Chapitre 6e. Arrivée fracassante du capitaine Corcoran dans Bhagavapur. Au même instant, un coup de canon retentit. C'était un artilleur de la forteresse qui faisait feu sur le bateau à vapeur et qui l'avertissait de s'arrêter. Le boulet passa par-dessus le bateau et s'enfonça en sifflant dans la rivière. À ce signal, le capitaine du bateau à vapeur arbora le drapeau tricolore et s'avança sans riposter vers le rivage. Les hindous, étonnés, ne cherchèrent pas à contrarier sa manœuvre, et le capitaine Corcoran, car c'était lui, mit pied à terre et s'avança d'un air assuré vers la porte du fort. Un sergent et quelques soldats voulurent croiser la baïonnette et lui barrer le passage, mais Corcoran, sans répondre à leurs questions et à leurs menaces, quoiqu'il entendît très bien la langue du pays, se retourna lentement et appliqua ses lèvres en sifflet qui était suspendu à sa ceinture. Le coup de sifflet retentit, aigu comme la pointe d'une épée, et fit frémir tous les assistants. Mais leur frémissement devint de l'épouvante lorsqu'une magnifique tigresse se montra sur le pont du bateau et répondit au coup de sifflet par un ronron formidable. « Ici, Louison !» cria Corcoran, et il siffla pour la seconde fois. À ce second appel, Louison bondit hors du bateau à vapeur et se trouva sur la rive où déjà Corcoran avait fait amarrer son bateau. Une minute après, les officiers, les soldats, les canonniers, les fantassins, les curieux, les hommes, les femmes et les petits-enfants avaient pris la fuite dans toutes les directions et laissé là Corcoran, excepté un malheureux chef de poste, celui-là même qui avait fait tirer le coup de canon et que notre ami le capitaine menait de saisir par la nuque. « Lâchez-moi !» disait l'hindou en se débattant de toutes ses forces. « Lâchez-moi ou je vais appeler la garde !»« Et toi, » dit Corcoran, « si tu fais un pas sans ma permission, je vais te donner pour souper à Louison. » Cette menace rendit le pauvre officier plus docile et plus doux qu'un agneau. « Hélas, dit-il, Seigneur Tout-Puissant, que je ne connais pas, retenez votre tigresse, ou je suis un homme mort. » Effectivement, Louison, privé depuis longtemps de chair fraîche, tournait autour de l'hindou d'un air affamé. Elle le trouvait appétissant, ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop gras, ni trop maigre, mais tendre, dodu et bien à point. Heureusement, Corcoran le rassura. « Quel est ton grade ? » demanda-t-il. « Lieutenant, seigneur, » répondit l'hindou. « Mène-moi au palais du prince Holkar. »« Avec votre ami ?» demanda l'hindou qui hésitait. « Parbleu, » répliqua Corcoran, « crois-tu que je rougis de mes amis quand je vais à la cour ?»« Oh, Brahma et Bouddha, » pensait le pauvre hindou, « quelles fâcheuses idées ai-je de faire tirer un coup de canon sur ce bateau à vapeur qui ne pensait à rien ? Quel besoin avais-je de demander son nom à ce passant qui ne me disait rien ?» Ô Rama, héros invincible, prête-moi ta force et ton arc pour que je perce Louison de mes flèches, ou prête-moi ton agilité pour que je puisse pendre mes jambes à mon cou et trouver un asile dans ma maison. Eh bien, dit Corcoran, as-tu terminé tes réflexions? Louison s'impatiente. Mais, seigneur, répliqua l'hindou, si je vous mène au palais du prince Holkar avec une tigresse sur vos talons, ou plutôt, hélas, sur les miens, Holkar vous fera couper le cou. Le crois-tu? Demanda Corcoran. « Si je le crois, seigneur, si je le crois. » Mais le prince Holkar ne fait jamais sa prière du soir, sans avoir fait en palais 5 ou 6 personnes dans la journée. « Ah, cet Holkar me plaît. Je me décide. Nous verrons lequel de lui ou de moi en parlera l'autre. Mais seigneur, il commencera par moi, certainement. Ah, que de raison. Marche devant, ou je mets Louison à tes trousses. » Cette menace rendit le courage à l'hindou. Après tout, il n'était pas bien sûr qu'Holkar le fit en palais, tandis qu'il voyait à 6 pouces de distance les dents et les griffes de Louison. Il adressa donc intérieurement une dernière prière à Brahma, père de tous les êtres, et marcha d'un pas rapide vers la porte du palais. Corcoran le suivait de près, et Louison, toute joyeuse, bondissait à côté de son maître comme un lévrier caressant. Grâce à cette double escorte, Corcoran entra sans peine dans le palais. Tout le monde s'écartait sur son passage. Mais lorsqu'il fut arrivé au pied de la tour où le prince Holkar était assis avec sa fille, l'hindou refusa d'aller plus loin. « Seigneur, dit-il, si je monte avec vous, ma mort est certaine. Avant que j'aie pu dire un seul mot pour me justifier, Holkar me fera couper la tête, et vous-même, seigneur, si vous persistez dans ce dessein téméraire, vous ferez bien... »« Bon, bon, » répliqua Corcoran. « Holkar n'est pas si méchant qu'on le dit, et j'en suis sûr, il ne refusera rien à mon ami Louison. » « Pour toi, c'est autre chose, va-t'en, poltron. »« Seigneur, » dit humblement l'hindou, « aucune tête ne va aussi bien à mes épaules que la mienne propre. et s'il plaisait à ce grand prince de l'abattre, je ne connais aucun onguent qui pût la recoller. Que Brahma et Bouddha soient avec vous. » En même temps, il s'enfuit. Courcouron ne chercha pas à le retenir et monta sans s'arrêter les 260 marches qui conduisaient à la terrasse d'où le prince Holkar contemplait en silence la vallée de la Nère Bouddha. Louison précédait son maître et parut la première fois sur la terrasse. À cette vue, la belle Sita poussa un cri de frayeur et le prince Holkar se leva brusquement, prit à sa ceinture un pistolet et fit feu sur Louison. Heureusement, la balle frappa sur le mur, s'aplatit et ricocha sur Courcouron, qui suivait de près son ami et qui reçut une légère contusion à la main. « Vous êtes vif, seigneur Holkar, » s'écria le capitaine, sans s'étonner de l'accident. « Ici, Louison !» Il était temps de retenir la tigresse, qui allait bondir sur son ennemi et le mettre en pièces. « Ici, mon enfant, » continua Courcouron. « Là, c'est bien. Couchez-vous à mes pieds. Très bien. Maintenant, allez, en rampant, présentez vos respects à la princesse. Ne craignez rien, madame. Louison est douce comme un agneau. Elle va vous demander pardon de vous avoir effrayé. Bah, Louison, bah, ma chérie, demandez pardon à cette belle princesse. » Louison obéit, et Sita, rassurée, la caressa doucement de la main, ce qui parut flatter beaucoup la tigresse. Cependant, Holkar se tenait toujours sur la défensive. « Qui êtes-vous » demanda-t-il avec hauteur. « Comment avez-vous pénétré jusqu'ici ? Suis-je déjà trahi par mes propres esclaves et livré aux Anglais ?»« Seigneur, » répliqua Courcouron d'un ton doux, « vous n'êtes pas trahi. Et s'il est une chose dont je remercie Dieu, après la bonté qu'il a eue de me faire breton et de m'appeler Courcouron, c'est surtout de ne m'avoir pas fait anglais. » Holkar, sans lui répondre, prit un petit marteau d'argent et frappa sur un gong. Personne ne parut. « Seigneur Holkar, » dit Courcouron souriant, « personne n'est à portée de vous entendre. À la vue de Louison, tout le monde a pris la fuite. Mais rassurez-vous, Louison est une fille bien élevée et qui sait se conduire. Maintenant, Seigneur, quelle trahison craignez-vous ? Si vous n'êtes pas anglais, » répliqua Holkar, « qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Seigneur, » dit Courcouron, « il y a dans ce vaste univers deux espèces d'hommes, ou, si vous le voulez, deux races principales, sans compter la vôtre, c'est le français et l'anglais, qui sont l'un à l'autre ce que le dogue est au loup, ce que le lion est au buffle, ce que la panthère est au serpent à sonnette. Ce sont deux races affamées, l'une de louange, l'autre d'argent, mais toutes deux également batailleuses et prêtes à se mêler des affaires d'autrui sans y être invitées. J'appartiens à la première de ces deux races. Je suis le capitaine Courcouron. Quoi ? Dit Holkar. Vous êtes ce célèbre capitaine qui commandait le brick du fils de la tempête. Célèbre ou non, dit le breton, je suis ce capitaine Courcouron. Et c'est vous ? Demanda encore Holkar, qui avait, surpris près de Singapour par 200 pirates anglais, et n'ayant avec vous que 7 hommes d'équipage, jeté ses brigands à la mer. C'est moi, dit Courcouron. Où donc avez-vous lu cette histoire ? Dans le Bombay Times. Car ces coquins anglais sont instruits les premiers de tout ce qui se fait sur l'océan. Et même ils avaient pendant quelque temps essayé de faire croire que ce Courcouron était un anglais. « Un anglais, moi ?» s'écria le capitaine avec indignation. « Oui, mais l'erreur n'a pas duré longtemps. On pendit, comme vous devez le savoir, une douzaine de ces coquins de Malais. Mais un 13e échappa pendant qu'on le conduisait à la potence, se glissa dans les rues de Singapour, y resta caché quelque temps, et trouva moyen de s'embarquer sur un bateau chinois, d'où il passa à Calcutta, et de Calcutta il est venu chercher un asile ici. C'est un hindou musulman. C'est lui qui a raconté par quelle aventure il s'était rencontré face à face avec vous. Et, tenez, le voici. » En effet, un esclave paraissait en ce moment sur le seuil de la terrasse. C'était un homme assez grand, bien fait et même beau à la manière des Européens, mais avec des membres un peu grêles, et qui indiquait plus d'agilité que de force. À la vue du Courcouron et surtout de Louison qui poussa un rugissement formidable, l'esclave parut prêt à fuir, mais Holkar le rappela. « Ali, dit-il, seigneur, regarde bien cet étranger au teint blanc, le connais-tu ? » Ali s'avança d'un air indécis, mais à peine eut-il regardé Courcouron qu'il s'écria « Maître, c'est lui !»« Qui, lui ?»« Le capitaine, et c'est elle ? » ajouta-t-il en montrant la tigresse. « Seigneur, seigneur, ne me perdez pas !»« Bon, dit gaiement Courcouron, est-ce que nous avons de la rancune, Louison et moi ? Bah, mon brave, tu aurais pu être pendu !» Tu as su retirer à temps ta tête d'une coulante qui déjà serrait ton cou. Je ne t'en veux pas. et le prince Holkar a bien fait de te prendre à son service, il aime les gens de sac et de corde. Mais, dit Holkar, d'où vient ce désordre que je vois d'ici dans les rues de Bhagavapur? Qu'est-ce que tous ces cris que j'entends, ces coups de fusil et ces roulements de tambour? Seigneur, dit Ali, c'est pour vous en avertir que je suis venu ici sans y être appelé. Quand le capitaine Corcoran a mis pied à terre sur le quai, on a cru que c'était un envoyé des Anglais. Votre ancien ministre Rao a répandu le bruit que vous aviez été tué d'un coup de pistolet et que l'armée anglaise était à deux lieues de la ville. Il a soulevé une partie des troupes et parle de ses droits à la couronne. Ah, le traître, dit Holkar, je vais le faire empaler. En attendant, il s'assure qu'il a l'appui des Anglais et il a commencé le siège du palais. Hein, fit Corcoran, la situation devient intéressante. Jusque-là, la belle cita avait gardé le plus profond silence. Mais en voyant le danger que courait son père, elle s'élança au-devant du capitaine Corcoran et lui prenant les mains. « Ah, Seigneur, dit-elle en pleurant, sauvez-le. »« Parbleu, dit Corcoran, il ne sera pas dit que j'aurais résisté aux prières et aux larmes de deux si beaux yeux. Seigneur Holkar, pouvez-vous me faire donner un revolver et une cravache? Avec ces deux armes, je réponds de tout et en particulier du traître Rao. » Ali se hâta d'apporter le revolver et la cravache. Puis le prince, Corcoran et Ali descendirent les marches de l'escalier, pendant que la belle Sita, prosternée, invoquait pour ses défenseurs la protection de Brahma. Un petit nombre de soldats défendaient l'entrée du palais et paraissaient prêts de céder à l'effort de la foule. Trois régiments de cipayes assiégeaient les portes et faisaient entendre des cris séditieux. Rao à cheval les commandait et les excitait à tenter l'assaut. Les balles sifflaient de tous côtés et les rebelles amenaient des canons pour enfoncer les portes. Corcoran jugea qu'il n'y avait pas une minute à perdre. « Ouvrez les portes, » dit-il, « je réponds de tout. » L'air rassuré du capitaine rendit la confiance à son hôte. Il fit ouvrir les portes, et cette action étonna tellement les cipayes, qu'ils craignaient un piège, qu'ils reculèrent instinctivement. La fusillade cessa aussitôt, et un grand silence se fit sur la place. Corcoran demanda d'une voix forte, « Où est le seigneur Rao ?»« Me voici, » répliqua Rao, qui s'avança à cheval, suivi de son état-major. « Est-ce que Holkar se rend à discrétion ?»« Parbleu, » dit Corcoran. « Voilà un impudent drôle !» En même temps, il siffla légèrement. À ce coup de sifflet, Louison parut. « Ma chérie, » dit Corcoran, « va me cueillir ce coquin sur son cheval. Ne lui fais aucun mal. Prends-le délicatement entre la mâchoire supérieure et l'inférieure, sans le casser ni le déchirer, et apporte-le-moi ici. Tu m'entends bien, chérie ?» Et du geste, il désigna le malheureux Rao. Aussitôt, celui-ci voulut tourner bride. Malheureusement, son cheval se cabra et se mit à ruer. Les chevaux de l'état-major ne montrèrent pas plus de calme. Les officiers généraux tournèrent le dos promptement et se mirent à galoper en désordre au travers des rangs de l'infanterie, de peur d'être confondus par Louison avec le traître Rao. Celui-ci aurait bien voulu suivre cet exemple, mais le destin ne le permit pas. Déjà, Louison avait bondi sur la croupe de son cheval. Elle saisit le malheureux par la ceinture et sauta à terre en le désarçonnant. Puis, comme un chat qui tient dans sa gueule une souris et qui ne veut pas la tuer tout de suite, elle le déposa demi-évanoui au pied du capitaine. « C'est bien, mon enfant, » dit affectueusement Corcoran. « Je te donnerai du sucre à souper. »« Ali, désarme-moi ce vieux coquin et garde le prisonnier pendant que je parlais à ces imbéciles. » Puis, s'avançant, cravache en main, à cinq pas du premier rang des cipayes, dont les fusils étaient chargés, prêts à faire feu, « Est-il quelqu'un de vous, dit-il, qui veuille être pendu ou empalé ou décapité ou écorché vif ou livré à Louison ?» Personne ne répond. En effet, la frayeur était générale. La seule vue du capitaine, qui semblait tomber du ciel, étonnait les superstitieux hindous. Les griffes et les dents de Louison les effrayaient encore davantage. Et enfin, pourquoi et pour qui se révolter, Rao étant aux mains d'Holkar? Aussi, tout le monde s'empressa de crier « Vive le prince Holkar !» « C'est bien, » dit Corcoran. « Je vois que vous êtes resté fidèle à votre prince légitime. Maintenant, désarmez-moi les trois colonels, les trois lieutenants-colonels et les trois majors. »« C'est bien. Attachez-leur les pieds et les mains et couchez-les sur ce pavé. C'est parfait. Et vous, mes enfants, retournez tranquillement dans vos casernes, et si j'entends dire qu'un seul de vous a murmuré, je le donnerai pour déjeuner à Louison. Bonne nuit, mes enfants. Et nous, seigneur Holkar, allons souper. » Ainsi commencent les aventures merveilleuses mais authentiques du capitaine Corcoran à la recherche du manuscrit du Gurung Karamta. Suivi de sa fidèle Louison, il deviendra ami du Maharaja Holkar et protecteur de sa fille Sita. Il lui faudra bien des reprises affronter la puissance anglaise, la traîtrise des envieux, les dangers de la jungle et les risques du pouvoir sur ces terres exotiques et fascinantes de l'Inde.